Dommages collatéraux. 2 jours. Il faut tenir 2 jours. Dans la tête de Faustine tourne en boucle une supplique. Oh mon Dieu, fais qu'il se soit trompé, fais que lundi il s'en rende compte. Oh mon Dieu, si tu laisses vivre mon bébé, je te jure, je ne boirai plus une goutte d'alcool. J'arrêterai de fumer. Je serai la plus docile des épouses. S'il te plaît. Please, please. Le téléphone sonne, c'est Maxime. Pourquoi t'es rentrée? Je t'ai cherché partout. Oh mon amour, je ne pouvais pas rester là-bas. Si tu avais vu cet endroit, c'est la porte de l'enfer. Et Faustine de se lâcher enfin et de raconter en détail sa visite à l'hôpital de Charlottesville. Elle omet bien évidemment sa nuit d'errance alcoolisée dans les rues en compagnie de Laurie. D'ailleurs, elle ne s'en souvient plus. Blackout. À l'autre bout du fil, Maxime accuse le choc. Il tente de la rassurer et de lui remonter le moral. Lui conseille de s'entourer. Il ne peut malheureusement pas rentrer avant d'avoir terminé sa session de cours, mais il va lui écrire immédiatement. Surtout qu'elle le tienne au courant des résultats de la biopsie. Faustine raccroche, se sentant un peu moins seule. Elle continue à partager son fardeau avec Lynn, descendue boire un café. Anaïs, toujours dans sa famille d'accueil, n'est au courant de rien. Lundi, Faustine reprend la route de Charlottesville. Laurie la suit dans sa propre voiture, car elle doit foncer à son travail après le rendez-vous. À 10 heures, dans la salle d'attente, elles occupent le bébé, jouent, chantent, le nourrissent, le promènent. Ce n'est pas évident, car elles peuvent être appelées à tout moment, et elles n'osent pas s'absenter longtemps, que ce soit pour réchauffer un biberon ou simplement prendre l'air. À 11 heures, une infirmière les prévient. Il y aura beaucoup de retard. Un accident très grave vient d'avoir lieu à quelques kilomètres de là. Tous les toubibs sont sur le pont. Veulent-elles revenir un autre jour? Faustine répond que c'est au-dessus de ses forces. Elle préfère attendre. Laurie décide de repartir. Elle téléphonera ce soir. À midi, enfin, une autre infirmière vient chercher Julien. Faustine voit à travers le hublot que son bébé est en attente, juste de l'autre côté de la porte. Il est tout seul, il pleure, et sa propre mère ne peut pas s'en approcher, sous prétexte qu'elle n'a pas de vêtements stériles. C'est tellement frustrant! Finalement, à 14 heures, un médecin vient prendre l'enfant. Il le ramène 2 heures plus tard, endormi. On téléphonera les résultats à qui de droit. Faustine embarque son fils et rentre chez eux. Elle est épuisée. Dans les jours qui viennent, Faustine est convoquée en urgence au cabinet pédiatrique. Le terrible diagnostic est confirmé. Le médecin leur a pris rendez-vous dans un centre spécialisé, habilité à informer les parents de petits myopathes des contraintes de la maladie, mais aussi de toutes les thérapies de soins et conforts accessibles. Faustine respire. Cette fois, elle ne sera pas seule. Maxime sera rentré. Ce même Maxime qui lui a envoyé une lettre qu'elle a trouvée maladroite, injuste et cruelle. Il y explique doctement que Dame Nature s'est simplement servie d'elle comme éprouvette pour produire son petit mélange d'ADN frelaté. Une mutation peut-être, sauf que cette fois ça a raté. Il t'arrête, Irène. Mais ne t'inquiète pas, mon amour. On lui trouvera les meilleurs médecins. On frappera à toutes les portes, on y mettra tous nos moyens, on y passera le restant de notre vie, mais on le sortira de là. Est-ce la goutte qui fait déborder le vase? Faustine, cette fois, plonge. Elle se constitue un stock d'alcool fort. Cela accompli, garantie de nuit sans rêve ni cauchemar, elle cale le cou fin de Julien à l'arrière de la Mustang et se met en route. Elle montre son fils à qui veut la voir. S'invite chez tous leurs amis, accepte, demande, exige des verres, partout. Raconte encore et encore le drame qui la frappe. Essaye de le justifier à coups de grandes envolées verbales, aussi délirantes qu'imbibées. Souvent, elle est frappée par le manque de réaction des gens. Colline, par exemple, reste impassible, manifestement réprobatrice, ce qui est difficilement supportable pour Faustine qui culpabilise aussitôt. Très vite, son amie américaine coupe les vannes, ne lui sert plus que de l'eau. Elle conseille à Faustine d'engager une maman de jour pour s'occuper de Julien, le temps qu'elle se repose et se ressaisisse. « Tu sais, notre pasteur est formidable, pourquoi n'irais-tu pas le voir ?»« J'y penserai, oui, mais pas tout de suite, je veux me reposer d'abord. » En attendant, je vais prendre rendez-vous pour toi chez Madame X. Elle s'occupe très bien des enfants, tu verras. En route pour rencontrer la maman du jour, Faustine s'arrête au drive-in bancaire. C'est sa jeune amie banquière qui a accouché à peu près en même temps qu'elle qui la reçoit. Les deux mamans conversent de voiture à guichet extérieur. « Bonjour Lisa, j'ai besoin de 200 $. »« Bonjour Faustine, voilà votre argent, comment ça va aujourd'hui ?»« Je parie que votre bébé est tiré d'affaire et qu'il tient sa tête tout seul maintenant. »« Non Lisa, il est très malade, il va mourir. » Silence. Faustine prend l'enveloppe avec son argent, baisse la tête pour l'enfuir dans son sac à main. Le temps pour Lisa de disparaître au fond de la banque. Faustine prend soudain conscience de ce qu'elle vient de dire et du choc qu'elle a provoqué. Elle contourne la banque, se gare, y entre, découvre Lisa en larmes dans les bras de sa collègue. Et s'entend dire qu'il vaut mieux qu'elle s'en aille. Elle a fait assez de dégâts comme ça. Faustine arrive dans un triste état chez la maman du jour. Elle prend sur elle pour expliquer le cas de son fils. Bien sûr, cette dame n'a jamais soigné un enfant myopathe, mais elle va faire de son mieux pour s'occuper de lui. Il y a d'autres petits ici, c'est animé et joyeux. Julien ne s'ennuiera pas. Laissant là son petit, la jeune femme rentre chez elle, finit la bouteille qui traîne sur la table et se couche. Réveillée en sursaut, vers 20 h, elle va chercher son fils, le nourrit et l'endort. Et de même les jours suivants. Si elle le pouvait, elle se suiciderait, mais elle n'ose pas, sentant confusément qu'elle devra, à un moment donné, prendre ses responsabilités. Pendant cette plongée sans fin, d'autres personnes s'inquiètent pour elle. Maxime appelle régulièrement, mais elle ne répond pas systématiquement. Alors ils s'enquièrent auprès de Paul et Lynn. Ceux-ci, de plus en plus inquiets, finissent par appeler le pédiatre qui téléphone personnellement à Faustine pour lui donner rendez-vous. Faustine s'y rend entre deux vins. Au médecin qui lui demande des nouvelles de son fils, elle déballe toutes les frustrations. Ses soucis conjugaux, son immense solitude, son besoin d'amour et l'attention. À aucun moment elle ne parle de Julien ni de ce qu'elle ressent par rapport à lui et à sa maladie. Le médecin, constatant qu'il ne parle pas du tout de la même chose, finit par se taire et la laisser partir, consternée. Faustine, de retour chez elle, se regarde dans la glace et se découvre en filigrane dans toute l'horreur de sa bêtise, de son égoïsme et de sa suffisance. Cette fois, c'en est trop. Elle avale toute une boîte de paracétamol. C'est Lynn qui la trouvera quelques heures plus tard. La maman de jour l'a appelée quand elle a vu que personne ne venait récupérer Julien. Et elle passera la soirée à la faire marcher, boire du café salé, vomir, marcher et enfin dormir. Paul est allé chercher Julien. Le couple s'en occupera jusqu'au lendemain. Quand Maxime rappelle, il ne semble pas réaliser la situation. Il est encore persuadé qu'il y a une solution, une guérison possible. Il reproche à Faustine de ne pas prendre sur elle. Elle lui dit qu'il comprendra à son retour, lorsqu'il sera en présence de Julien. Il se souviendra alors de ses belles paroles. Les matins suivants, Faustine, à peine réveillée, amène Julien vers la maman du jour, puis passe au bureau, en quête d'oreilles compatissantes. Elle aimerait tant que quelqu'un la prenne en charge, mais sa détresse est si profonde qu'elle fait peur. Tout le monde la fuit, même ses parents qui ne l'ont jamais rappelée. Papa a écrit un mot qui se voulait encourageant, mais lui déconseille d'appeler. Il tente de protéger sa femme. Un soir, Faustine, arrivée un peu plus tôt chez la maman du jour, surprend les autres enfants en train de traîner son fils dans un petit chariot et de le bousculer dans tous les sens tout en lui tapant dessus. De temps en temps, son petit tombe et pleure, mais les autres le remettent en place et continuent leur jeu barbare. Lorsque Julien voit arriver sa mère, il la regarde avec un tel désespoir que Faustine réagit enfin. Prenant son fils sous le bras, elle hurle à la cantonade que c'est fini, il ne remettra plus jamais les pieds ici. À la maison, elle tente de rassurer son enfant, lui chante des berceuses, lui parle d'une voix douce. Mais Julien, encore traumatisé, pleure en continu, refuse de s'endormir, ne supporte pas que la lumière soit éteinte, et cela recommence chaque nuit. À la troisième, Faustine, épuisée, au bout du rouleau, se penche sur son berceau et implore. « Mon Julien, mon bébé, je sais que je t'ai fait du mal. Je te demande pardon, mais je t'en supplie, laisse-moi dormir. Il faut que je me repose, au moins une nuit, s'il te plaît, aide-moi. » Miracle, l'enfant se tait et s'endort. Faustine aussi. À partir de là, il ne la réveillera plus. Chaque matin, Faustine revit la même épreuve. Juste avant d'ouvrir les yeux, elle est l'heureuse maman d'un enfant sain. Puis elle se souvient et l'enfer recommence. 15 jours après l'annonce du diagnostic fatal, Maxime est de retour. Longuement, il observe Julien endormi puis s'allonge dans leur lit. Se réfugiant dans les bras de Faustine, il éclate en sanglots. « Tu avais raison, Mastine. C'est insupportable quand on est en sa présence. Pauvre Titounet. » Au matin, il suggère à Faustine de faire un tour au bureau. Un samedi, personne ne la dérangera. Ça lui changera les idées. Qu'elle y aille à pied, ça lui fera prendre l'air. De son côté, il va refaire connaissance avec son fils et s'occuper du repas. Faustine avance à reculons sur la route qui mène au bureau, se forçant à mettre un pied devant l'autre, au bord de la nausée. Enfin, elle atteint le bâtiment. La porte principale est ouverte, mais personne ne vient à sa rencontre. Elle est seule à son étage. Comme un automate, Faustine allume l'ordinateur. Sur l'écran noir, une petite lumière verte clignote. C'est tout. Ce rappel à la vie, non-vie, est soudain intolérable. Il déclenche le séisme. Son bébé, son tout petit, tellement désiré, rêvé, attendu. Et tout ça, pourquoi ? En elle, une digue se rompt. Elle hurle de toutes ses forces. Elle crie sa terreur, son impuissance, sa rage, sa colère, sa tristesse. Pendant d'interminables minutes, jusqu'au dernier souffle restant dans ses poumons, sa détresse est telle qu'elle ne trouve plus le bouton « on, off ». Vidée, elle arrache la prise, puis elle sort et repart en sens inverse. Il fait particulièrement beau et doux ce matin. Un pas après l'autre, elle avance sur la route caillouteuse. Le soleil l'éblouit, lui caresse la tête, les cheveux, la naissance de la poitrine. Il la réchauffe comme un ami qui vous prend dans ses bras pour vous réconforter. Insidieusement, ses rayons creusent une brèche dans sa carapace, la ramènent à la vie. Alors, de glace qu'il était devenu, son cœur fond. Cette allée de sapin, si belle, si large, ce talus où surgissent ces deux chaînes gigantesques entre lesquelles balance le hamac. Et dans le hamac, le tout petit, l'enfonçon, nu au soleil. Un pouce dans sa bouche, yeux grands ouverts sur le monde, sur la vie. Faustine s'approche. Julien l'aperçoit, la reconnaît, lui sourit. Et lui montre le chemin du pardon, balayant d'un battement de ses longs cils sa démission, sa lâcheté devant l'adversité, son refus de la fatalité. Alors, elle le prend dans ses bras et décide, en son âme et conscience, d'accepter l'épreuve. Mais pas toute seule, elle murmure. « Mon Dieu, si tu existes, je ne sais pas pourquoi mon bébé doit mourir. Comment pourrais-tu lui vouloir du mal ? Toi dont la création est si belle, tu dois bien avoir tes raisons. Qui suis-je pour juger ? Mon Dieu, si tu existes, aide-moi à accompagner mon Julien. Je t'en prie, s'il te plaît, aide-moi à devenir sa mère. »